C'est magique. Fermer les yeux. Prendre un billet pour l'horizon. Pacifique. Partir à deux. Ancrer nos rêves sur les hauts fonds. S'endormir.